Thank you. Si vous êtes né un 30 février, l'hôtel La Rétrofitade, vous êtes bon anniversaire. Le président McBee fait des cauchemars. Il dort beaucoup trop, 14 heures par jour. Vous êtes seul? Je l'ai toujours été. Même maintenant? Pourquoi vous me demandez ça? Pour rien, je pensais à la fille. Elle vit sa vie de fille. Elle a de beaux yeux verts de lune, moon green eyes. Moon gray eyes, not green, gray. Dommage que ça déconne autant. C'est quand la prochaine nuit? Dans deux jours. Le ciel est brûlé, on ne voit plus la planète. Avant, on aurait même pu voir Orion, là, jusqu'à la verticale. Et Cassiopée, un peu sur la droite. Vous avez su pour Orion? Non. Bételgeuse est morte, elle a explosé il n'y a pas longtemps. Cassiopée, la planète, Orion, j'ai oublié tout ça. Et la politique, vous l'avez oublié, la politique ?